On va parler avec le président de la Ligue du lac au fleuve, Mathieu Caron. C'était une entrevue d'abord qui était prévue déjà d'avance parce que, écoute, j'ai été une semaine arrêtée complètement. Donc, pendant cette semaine-là, la Ligue était en pleine finale. Donc, et par la suite, ben, le temps de rattraper, on n'a pas été en mesure de faire le bilan. Mais là, on va le faire. C'était l'an 1. Salut Mathieu. C'est Danny. Mathieu, avant tout, ben évidemment, c'est la nouvelle de la semaine. Écoute, c'est très gros pour Roberval, là. Les gens, ils peuvent pas s'imaginer. Écoute, pour Roberval, l'annonce est imminente selon Gilles Péloquin. Écoute, pour la Ligue du lac au fleuve, ça représente quoi, là? Je sais qu'il y a des équipes quand même qui, dans certaines régions, il y a la Ligue nord-américaine qui est là, puis il y a des ligues comparables à la Ligue du lac aux fleurs, puis les deux réussissent à vivre. Par contre, la différence, c'est que Roberval, c'est un tout petit marché, là. Vous allez jouer là-dedans aussi. Ben écoute, je peux pas parler au nom vraiment de la Ligue parce que j'ai pas parlé avec les membres du bureau des gouverneurs à ce sujet-là. Ben, je peux pas vraiment parler pour eux. Par contre, je peux parler à mon nom personnel là-dedans. Ouais. Connaissant M. Péloquin et souvent avec qu'est-ce qu'il va dire, c'est, je te dirais des fois, c'est ce qu'il dit, c'est pas vraiment ce qui se passe. Moi, j'ai pour mon dire que si M. Péloquin avait absolument disait que Roberval, ça allait être sûr, je comprends pas, puis que M. Péloquin est supposément quelqu'un de très proche de Richard Martel, je comprends pas pourquoi Richard Martel est allé dire hier sur les ondes à Michel Dufault que Granby était en avance pour avoir une expansion. Chose que M. Péloquin n'a jamais parlé non plus Lui, ce qu'il dit, dans c'est ses que déclarations. Trois-Rivières-Gilles, j'y ai parlé après l'entrevue, il dit que c'est Trois-Rivières qui s'en va à Granby, ce qui ouvrirait la porte à deux nouvelles franchises. Ben, c'est ça. Sauf que Granby, encore là, c'est pas un dossier qui va être réglé parce que ce qu'on apprend dans la voie de l'Est, c'est qu'il est ainsi longtemps que Junior 3 va être là. Ces derniers-là ont le droit de veto, à savoir, pour avoir du hockey majeur dans leur aréna. Puis tant et si longtemps que les autres vont être là, ils vont refuser d'avoir une autre ligne majeure. Fait que c'est pour ça que j'ai pas osé que moi, cette annonce-là, là, ça me stresse aucunement parce que j'ai l'impression que ça n'aura pas lieu. Deuxième des choses, Richard Martel. Bon, là, on a appris hier que Richard Martel quittait son poste après son mandat, qu'il ne renouvelait pas. Donc, chose que M. Péloquin avait l'air à dire qu'il allait probablement passer encore comme commissaire. Moi, j'ai pour mon dire, si Richard Martel quitte, bon, là, il fait des démarches pour finir son mandat au 14 mai. Mais si vraiment des démarches peuvent être bon, parce qu'encore là, aujourd'hui, on a appris que les élections vont être en branle pour le mois de juin, probablement. On parle du Donc 2 là, juin qu'elle serait déclenchée selon. la date limite. Ouais. Mais comme je le dis, la date limite, ça va être dans ces coins-là. Mais après ça, c'est 36 jours suivant cette date limite-là. Donc là, tu sais, pour me dire, est-ce que Richard Martel, parce que entre moi et toi, je pense que Richard Martel a une. Beaucoup, je pense qu'il y a des intérêts pour Roberval, puis je crois que son plan, je suis d'accord avec tout le monde là-dessus, je pense que son plan, c'est pouvoir aller du côté de Roberval. Mais de l'autre côté, la priorité, ça va être les élections. S'il gagne les élections, est-ce que le projet Roberval va fonctionner sans Richard Martel? Je suis pas sûr que ça. Ben, écoute, T'sais, fait que moi, c'est pour ça. je viens de le Oui. dire au président de la Ligue GMS. Je n'ai pas parlé cette semaine, encore une fois, parce que j'ai eu toutes sortes de. Écoute, Péloquin, quand on y parle, ça peut partir longtemps, puis maintenant, il faut que l'entrevue se termine. Sauf que Roberval, les gens de Roberval, c'est pas un souhait, c'est pas un besoin manifesté par les gens de Roberval. C'est la Ligue qui veut s'établir à Roberval. C'est pas Roberval qui veut la. Je sais pas si tu me suis là-dedans, non? Ben peut-être, mais je vois pas pourquoi. Si la ville de. Moi, c'est quoi le but pour la ville de Roberval? C'est quoi le but pour le maire d'avoir une équipe là-bas? C'est C'est pas une question qui rentabiliser se son fait aréna. poser. C'est ça qu'il veut le Ben, plus. c'est exactement ça, parce qu'il y a eu un legs de 3,6 millions qu'il faut Ouais. qu'il éponge. T'sais? Fait que c'est pour ça que là, il faut qu'il éponge. Il essaie de se trouver une solution là-dessus. Mais tu es d'accord avec moi que la Ligue nord-américaine à Roberval, c'est une chose qui est quasiment impossible Ben, parce que c'est. c'est une aréna qui est à 800 places assis, 1000 places maximum que tu peux accueillir dans ton aréna. Selon les calculs, ben, il faut que tu aies un minimum de 1000 personnes pour être rentable. Fait que est-ce que tu crois que si on arrive avec, mais on peut pas rentrer plus de personnes. Donc, en partant, c'est sûr et certain que tu fais aucun profit dans cette histoire-là. Et en plus de ça, si tu regardes vraiment, tu sais, au niveau de l'intérêt, bon, l'intérêt des personnes, là, ça va être des joueurs, soit avoir 20 sur 20 joueurs, soit 20 joueurs, soit avoir 19 joueurs qui vont provenir de l'extérieur de la région. Non. Tu sais, peut-être un joueur qui va être là. Est-ce que le monde va aller vont aller payer 17 $ plus à peu près une vingtaine de piastres de bière pour aller voir des joueurs de l'extérieur. Moi, on l'a connu avec la Légion 3A, avec le multiconcessionnaire. Moi, je crois pas que, je crois pas que, la, que cette concession-là pourrait être rentable. La Ligue nord-américaine, c'est pas une ligue qui est en super bonne santé avec non. tout ce qui se passe, tant au niveau du bureau, au niveau de la direction, qui se font mener la vie dure par le bureau des gouverneurs qui sont composés de tous les propriétaires. Je veux dire, tant que la mentalité va rester comme ça dans cette ligue-là, moi, je vois pas l'intérêt d'une concession de s'incruster là-dedans. Je peux t'en parler. J'ai été trois ans auprès de la Ligue nord-américaine. J'ai vu des choses, j'ai entendu des choses qui se passent à ces bureaux-là. Puis je peux te dire, c'est pas tout en chic, là. Mais Mathieu, en terminant, puis après ça, on va se parler de la Ligue du lac au fleuve. Mettons que ça arrive, là, OK? Mettons là, que ça arrive puis c'est fait, là. Mm-hmm. Est-ce que ça vous. Est-ce que ça t'effraie? Ben, ça m'effraie. Mettons que c'est vrai. Honnêtement, là, je peux pas. Moi, ça m'effraie pas. J'ai pas une peur. Tu sais, moi, je pense que j'ai plus peur pour eux autres que peur pour. Oui, c'est sûr. c'est plus moi la façon que je vois ça. Moi, comme je dis, on parle, M. Péloquin, hier, parlait encore de la MRC là, qui engloberait tout ça. C'est, je comprends, mais dans la MRC, il y a Delbeau. Est-ce que Delbeau vont embarquer dans l'aventure? Vu qu'ils ont déjà un club senior qui va être là aussi, ben, je ne suis pas sûr que ça va être vraiment. Là, ça va-tu englober tout le monde? Pour te dire, c'est la proportion de spectateurs, de population dans une région, tu peux pas prendre le lac au complet pour aller dans un aréna à Barbas, c'est sûr et certain. Moi, ça ne m'effraie pas. Là. On a eu des très belles séries dans la Ligue. À Delbeau, il y a eu de très beaux matchs de hockey, une très belle assistance tout le long. Fait que moi, je vois, les commentaires sont là. Fait que, comme je te dis, j'ai plus peur pour eux autres que pour moi. OK. OK. Ben écoute, ça coûte 225 000 de commandite. La traversée, même pas ça. Ben, c'est 225 000, là. Faut que tu trouves 225 000 pour 14 mai. Ouais. Bonne chance. Hey, Mathieu, bilan de la saison. Moi, j'ai toujours dit que c'était l'an 1, c'était une année de rodage. Ça va être le vrai départ va être l'an prochain. Dans ma tête à moi, là, je me trompe pas en disant ça, hein? Ben, je pense que là, comme je dis à tout le monde, on a dessiné le dessin. Là, maintenant, on va le colorier. Ouais. Là, on va commencer à le peaufiner à notre goût. Je te dirais que tout le long de l'année, on a amélioré la ligue, on a eu des idées, des solutions. On se prépare déjà pour l'an 2. Mais c'est vraiment là en travaillant ensemble là, qu'on est justement là, arrivé à une, comme je vous disais, on est dans la série, non? On s'est rendu à une série de sept matchs, la série finale matchs. Je pense que ça a quand même bien été. Oui, puis écoute, je pense que c'était difficile pareil pour l'équipe qui voyageait le jour même. Dolbeau, hein, t'es d'accord avec moi là-dessus? Plus ou moins, parce que de mémoire, Dolbeau a perdu le vendredi. Je pense que de mémoire, je ne me rappelle plus. Non, c'est vendredi, Dolbeau avait gagné, puis le lendemain, c'est Charlevoix. Parce c'est que ça, c'est pour ça que c'est pas... C'était la même affaire. Je pense pas. Ouais. Les gars, ça a été quand même préparé. C'est 4 heures de route, oui, mais c'est 4 heures qu'ils peuvent quand même se reposer. Quand ils vont arriver là, ils arrivent prêts. Je pense qu'ils arrivent crinqués. Ils ont quand même eu une bonne présence là tout le long, là, surtout les deux premiers matchs que ça finit dont le Vancouver vendredi qui a fini en prolongation. Je pense qu'il était là le monde. OK. Là, Mathieu, oui, c'est de prendre son temps puis faire une expansion. C'est sûr que idéalement, il faut que ça monte tranquillement. Puisque la Ligue nord-américaine veut une expansion à tout prix. Mais comme j'ai dit, j'ai l'impression que Robert Vert, ça va péter. Fait que ça donne quoi d'aller là? Ben, c'est pour ça. Fait que c'est pour ça que nous autres, dans ma vision dans la Ligue de hockey senior du Lac-au-Fleuve, c'est que on a construit la Ligue, on a eu une très bonne réception à ce niveau-là, des très bons commentaires. Écoute, juste la participation des matchs 5, 6, 7, 700 personnes à Clermont le premier soir, quasiment 1000 personnes à Normandin le deuxième soir et 900 personnes à Charlevoix le dimanche. On voit que le monde sont intéressés par notre hockey. Fait que moi, c'est pour ça que si on va avoir une cinquième équipe, là, moi, je suis ouvert à ça parce que justement, on est en santé. On est ouvert pour accueillir une équipe. Puis après ça, on va évaluer les choses. Mais comme je dis, moi, je me prononcerai pas sur est-ce que j'en ai, est-ce que j'en ai pas. Tant et sur temps que ça ne sera pas conclu, j'aurais pas des demandes, j'aurais pas les cahiers de charges, ben là, je pourrais pas faire d'annonce à rien à ce niveau-là. OK. Mathieu, j'ai fait une entrevue avec Pierre Gay, puis de la Ligue JMS, un peu pour les mêmes raisons que toi, pas questionnaire verbal, puis on a parlé de la Ligue un peu comme toi, puis il m'a annoncé qu'il travaille pour avoir des matchs interligues avec le Chaudière-Appalaches. Ce serait intéressant, ça, hein, mettons. Avoir des matchs d'Olbeau là-dessus, puis qui comptera au classement, exemple. Là. Se comparer, puis deux, est-ce que c'est quelque chose qu'on va voir dans l'avenir? C'était un point qui aurait été ajouté. Est-ce qu'on pourrait faire une formule de ce genre-là? C'est sûr et certain qu'on peut faire les démarches pour. S'il n'y a pas d'expansion, ça. Là, avoir quelques matchs interligués. Ben ça peut être toujours une possibilité, mais c'est juste que nous, faut qu'on se trouve un comparatif pareil. Ouais. Moi, je pense qu'on a un calibre plus faible que le Senior 3A la Mauricie. Puis je pense qu'on a un calibre plus fort, mettons, sur la Ligue de hockey qu'au-dessus qu'il y a du côté du Bas-Saint-Laurent. Ben, c'est pour ça que il faudrait vraiment que. Peut-être commencer par des matchs pré-saison, puis voir l'an prochain, puis si c'est pour au moins comparer un petit peu. Puis peut-être pas l'an prochain, mais peut-être dans 2-3 ans. L'an prochain, commencer avec des matchs sur concours. Ben effectivement, c'est un projet qui a été une idée qui a été lancée effectivement au bureau du gouverneur. Fait que ça, on va évaluer à temps et lieu à ce niveau-là. Mais pour l'instant, comme je te disais, on est en fin de saison. L'AGA va se tenir à la fin du mois de mai. On va commencer à dessiner notre dessin qu'on a fait en l'an 1. Puis après ça, on va pouvoir évaluer toutes les options. Je sais qu'il y a déjà une grosse idée. Je peux pas en faire d'annonce encore, mais je sais qu'il y a une grosse idée qui a été sortie pour le début de saison de l'année prochaine pour promouvoir la Ligue. Fait que là, on va travailler aussi sur ce projet-là. Puis le but, c'est vraiment de promouvoir la Ligue, puis vraiment promouvoir des joueurs qui proviennent de notre région à nous autres à 100%. Ouais. Au niveau des commanditaires, est-ce que la Ligue pourrait aller chercher un commanditaire majeur? C'est sûr que c'est pas évident. Si on est capable de pouvoir se trouver un commanditaire majeur au cours de la saison, on va pouvoir le faire. Au cours de la saison estivale, là, on va regarder ça. Ça va faire pas à ce moment-là, mais on a plusieurs choses à évaluer là, à personnel. Donc, moi, ce que je dois faire, est-ce que je reste là ou est-ce que je change de fonction? C'est que ça va faire, ça? On est en réflexion de mon côté, puis le bureau du gouverneur aussi est en réflexion là-dessus. Je rencontre chaque équipe là la semaine prochaine pour faire les bilans saison individuels avec les équipes, voir pour se préparer pour l'AGA. Puis par la suite, là, je vais faire un choix à savoir si on restructure ça, si on reste comme qu'on est présentement, ou sinon j'essaie de pouvoir continuer dans mon premier but qui était de m'occuper des officiels de base et d'arbitrer dans la Ligue. Je suis en train de mettre. Ça tente tu de rester? Honnêtement, là, je crois que avec les commentaires que j'ai eus au cours de la saison, ça a bien été. J'ai eu des très bons commentaires à ce niveau-là. Puis je te dirais que si je quitterais le navire avec tout le travail que j'ai fait, ça serait comme si je mettrais la Ligue, genre arrangez-vous maintenant avec ça. Fait que c'est pour ça que si je comprends entre les lignes là, que probablement le futur, ça va être probablement ça. Mais on verra rendu là, c'est l'AGA qui va décider là, pour ça. Ben Mathieu, on va se reparler après l'AGA, faire le bilan de tout ça, fait que voir un peu, puis merci pour tes efforts, puis on se reparle, si tu restes, on va se reparler tout au long de la saison, si tu restes pas, ben on va se reparler quand même le 26 de mai après faire le bilan de l'Assemblée générale annuelle. Ben, pas de trouble. Mathieu Garon, le directeur, le président de la Ligue du Seigneur du Lac-aux-Fleurs.